Mafé, yeah. Frérot, squad, Trexy, L6, yeah, Free, R.I.P, gang, gang, gang, gang, en sortie d'un bail, en vérité en haut, ma révèle l'ombrage, donc on t'a levé à l'eau. Difficile faire en place, mais par contre si on l'eau. On l'eau a dans yo un grab, point nage j'étais ou à l'eau. En sortie de en bas et en vérifié en haut. Ma révèle l'ombrage, donc on t'a levé à l'eau. Difficile faire en place, mais par contre si on l'eau. On l'eau a dans yo un grab, point nage j'étais ou à l'eau. Après nage j'étais ou à l'eau, crié y'a les pani y'a l'eau. Pani Batman, pani Yao, en vrai pani super héros. Galère l'a invité, passé pour un apéro. Moral à la zéro, qui en fait compte à sub-zéro. Longtemps nous matrix saisie, la ouvert spontané. On y sentiment assez bon, crier moi docteur Guéro. Rêvez moi pas ni lézard, rêvez moi pas ni gecko. En t'a parlé tout seul, voix en moins qu'a fait écho. Attaque en coréto, potion magique à notre tonneau. Vrai ou la zone pour sauron, hashtag le seigneur des anneaux. Trahison à la chaudron, obligé rend moi parano. Papa côté Léon, dit pas faire la vie à Sirago. Les anti remplis ma coupe, sois gentil remplis ma coupe. Quand cracher dans la soupe, pour après crier au secours. Un rabat au scoop, fais ta gueule, on te secoue. LCSK, frérot, squad, et puis c'est tout. En sortie d'un bas et en vérité en haut. Ma révèle l'ombrage, donc on t'a levé à l'eau. Difficile faire en place, mais pas compter si on l'eau. On l'eau a dans yo un grab, on a GGT ou à l'eau. En sortie d'un bas et en vérité en haut. Ma révèle l'ombrage, donc on t'a levé à l'eau. Difficile faire en place, mais pas compter si on l'eau. On l'eau a dans yo un grab, on a GGT ou à l'eau. Bitch, on fait moi tout seul, on pas t'es bizarre, d'or. Maîtrise et get out, même si on y regard. Bienvenue en quad, yo, savent tuer pour un record. Ou savant attendu, fais moi désirer qu'on y mange. Je me ravitaille à la source, un contre l'eau et pas. Un chavouet sans et larmes, un chavif joie et drame. Crapaud devenu prince mort, le bateau j'ai dans la mort. Très tôt le matin, jusqu'à tard le soir. Nous nous la cataf, nous ambitieux qu'on score. Préférer vivre riche, plutôt qu'il m'en star. Bienvenue dans le vrai panier cinéma et Oscar. S'il faut tirer en train, continuer tracer route tard. Fucker, plus poids au Colombo, colonel moutard. D'ici y'a pas ni magie, pillage nous pas foutre là. Salope ou dépasser, si vous voulez fuck nous, c'est coucard. Un pas un mia, ou pas frère, ou pas bougard. En sortie d'un bas et en vérité en haut. Ma révèle l'ombrage, donc on t'a levé à l'eau. Difficile faire en place, mais pas compter si on l'eau. On l'eau a dans yo un grab, on nage GGT ou à l'eau. En sortie d'un bas et en vérité en haut. Ma révèle l'ombrage, donc on t'a levé à l'eau. Difficile faire en place, mais pas compter si on l'eau. On l'eau a dans yo un grab, on nage GGT ou à l'eau. Yeah, c'est ma fille. Yeah, gang, gang, Trixie, hein. Autant nous là et nous pas qu'à bouger. L6, Mafia, yeah, frérot, squad, gang, gang, yeah. Moi en vérité en haut, yeah. Moi en vérité en haut.